بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، في درس المواضيع أخذنا ماذا؟ المستثنى المستثنى. ما هو المستثنى؟ الاسم المذكور المخالفة هو الاسم المذكور المخالفة قبل هذا الاسم أول نزيد المنصوب الواقع بعد إلا أو أحد أخواتها. أيوة، إحدى أخواتها المخالفة لما قبلها. لما قبل إلا في الحكم. نعم. طيب، وبعد هذا ذكرنا أن هذا المستثنى لا تخوى كات فيجور avec إلا، هل تذكرها؟ وجوبا النصب، النصب وجوبا، النصب منصوب وجوبا. متى؟ إن كان قبل إلا، إن كان الكلام قبل إلا من تاما مثبتا. نعم، là c'est obligé de mettre, de le rendre منصوب. Deuxième cas de figure, c'est quoi? Il peut être soit mansoub ou badal, il kana kalam qabla illa taman manfiyan. Naam, taman manfiyan. Et troisième? S'il prend l'arabe de comment il n'est pas mansoub, il prend l'arabe de par rapport au awamil. Aywa. Il kana kalam qabla illa nuthbat kalam naqisan manfiyan. نعم، يسمى مفرغا، الاستثناء المفرغ. أحسنت. و également on a cité que الاستثناء il a trois arcanes: مستثنى منه، أداة الاستثناء، et le مستثنى. Donc maintenant on va prendre la suite. Le حكم du مستثنى. الحمد لله. Le hukm de Mustathna al-waqi' ba'd ghayr aw siwa aw suwa aw sawa. Qala al-musannif al-ajrumiyya. Ouais, parce qu'on avait dit également qu'il n'y a pas que illa. Il y a d'autres, il y a des sortes de illa, pas nécessaire. Maintenant on va les prendre. Al-mustathna bi-ghayr wa siwa وسواء وسواء مجرور لا غير. Donc ce qu'il est مجرور et pas autre chose. قال في شرح استعمل بمعنى إلا في الدلالة على استثناء ألفاظ منها غير وسواء بلغاتها وهما اسمان. Donc dans le sens de إلا on a d'autres termes qui ont le même sens, et parmi ces termes là qu'il y a parmi les sœurs de Illa, il y a Ghayr, il y a Siwa avec Kasr al-Sin, il y a Suwa avec Fath al-Sin, il y a Sawa'un Alif Mamdouda. Sawa'un. Et tout cela sont des Asma. Illa c'est un Harf. Alors cela qu'on comprend maintenant là sont des Asma. Hukm al-Mustathna bi Ghayr wa Siwa. Quand il dit siwa, c'est pour faire raccourci. Il vise également par là, suwa wa sawa. Al-jar da'iman yu'rabu mudafan ilayhi. Donc le ism qui vient après un de ces alfaz, il est majrour ala annahu mudaf ilayhi. Pourquoi? Car ce sont des asma. Ce sont plus des huruf là. Ce sont des asma. Donc le ism qui yaqa' ba'd ghayr ou siwa ou ahad ihda akhawatiha, il va être mudaf ilayhi. Il va être mudaf ilayh. Lazim. Maintenant, la question se pose. Si ghayr wa siwa wa khawatiha hiya asma, fa kif tu'rab? Hukmuha fi l'i'rab ka hukm al-ism al-waqi' ba'da illa. En fait, maintenant, ces asma-là prennent le ism, prennent le hukm du ism qui venait après illa. Dans l'i'rab. Ghayr wa siwa et ses sœurs prennent le jugement du ism qui tombait après illa dans le dirs d'hier. Tout simplement. Et le ism qui vient après ghayr siwa, il va être mudaf ilayh. Nahou, مثال, ja'a qawmu ghayra zaydin ou siwa zaydin. Ja'a al-qawmu ghayra zaydin ou siwa zaydin. Qala fa yajibu nasbuhuma ala al-istithna idha kana al-kalam taman muthbatan nahu qama al-qawmu ghayra zaydin. Donc là maintenant ghayr mi'rabuhu mansub wujuban, limadha? Tam. Donc ça reprend le même taxim que illa. Sauf que maintenant, le ism qui tombait après illa, son irlab, on la met sur ghayr ou sur de ses sœurs. Ah, ça baisse. Il va être mudaf, ou l'ism l'a zibardahu, mudaf ilayhi. Lakin fil ma'ana, al-mustathna, ou l'ism l'waqir ba'd ghayr. En réalité, là, c'est qam al-kom ghayr zaydin. Le mustathna fil ma'ana, c'est zayd. C'est Zayd qui a été sorti du hukm du Qiyam. C'est Zayd qui a été sorti du hukm du Maji. Femta'ala. Lakin fil Ihrab, c'est Ghayr qui va prendre l'Ihrab du Mustathna. Mais fil Ma'na, le Mustathna, c'est Zayd. Attendez, maintenant, si on dit Qam al-Qom, Sawa Zaydin. Ma y'arab Sawa Mansoub. Mansoub. Wa alamatu nasbihi. Dam fatha muqaddara. Ahsant. Ma na'a min dhuhuriya ta'adhur. Kassar ism maqsour. Donc siwa et soa la harakat al muqaddara. وسواء avec la alif mamdouda elle est zahira. Tu veux dire ja'alkum sawa zaydin. طيب ثم قال deuxième wajh qu'on avait prière wa yajuz al badal aw al nasb ala al istithna idha kana al kalam taman manfiyan. Si le kalam il est taman fi, yajuz al nasb wa yajuz al badal. Nahu ma qama al qawmu ghayru zaydin. Ou yajuz ghayra zaydin. C'est le même tafsil. D'accord? Même tafsil. Le changement, c'est que l'Irab maintenant vient sur le adat l'istisna et le mustathna fil ma'ana yakun mudafin ilayh. Wa tu'rabani ala hasb al-awamil, ça c'est le troisième cas de figure, idha kana al-kalam naqisan munfiyan, ay mufarraga. Nahu ما قام غير زيد وما رأيت غير زيد وما مرت بغير زيد. ففي قولك ما قام غير زيد ما يغلب غيره ما إعراب غيره ما قام غير زيد. لا تستصعب. سهل. لا. ما قام غير زيد. ما قام أحد غير زيد. الآن ما في تقدير. كل شيء موجود. لا با إلا لا. فاعل. فقط. غيرنا فاعل. ما رأيت غير زيد. ما يعرب غير. ما فعل به وما مرت بغير زيدين لا اللي مجهول بعض هذا لا تبقى على ظاهر tout simplement لا يبقى تقدير احد وكذا هو موجود غير dans son sens il veut dire ça lui-même. طيب فهمت هذا؟ هذا نفس الشيء. Quand c'est les mêmes taxibles que ce qu'on avait pris. Fidesma illa. Et la force, c'est qu'on a déplacé l'irlob du ism qui tombait après illa du mustathna, on le met sur ghayr au siwa. Et le ism, lui qui accord après, qui accord à bad ghayr siwa, il devient mudaf ilay. Taïb. On okmil bi el mustathna bi ada wa khala wa hasha. قال المصنف في المتن رحمه الله تعالى والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيد أو خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر قال في شرح ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز فيه وجها. Donc là, avec ces termes-là, خلا, عدا وحاشا, on a droit à deux يعرب. أحدهما النصب. النصب. لكن ماذا les منصوب, pourquoi? Car là, dans le cas où خلا وعادة وحشة sont des أفعال, sont des verbes. وذلك على التقديرها أفعالا. مثاله قام القوم خلا زيدا. خلا زيدا. وعادة عمرا. وحشة بكرا. فيرابه قام القوم في رفاعل معروف. قام القوم وخلا فير ماضي مبني على فتح المقدرة مانع من ظهورها التعذر وفعله ضمير مستتر وجوبا نعم c'est هو mais là dans le cas de l'istithna dans ces verbes là خاص le ضمير مستتر il est c'est وجوبا qui est مستتر même si c'est هو. C'est un cas spécial. Donc là, khala, c'est un fi'al. Ada, c'est un fi'al. Hasha, c'est un fi'al. Fal-ism wal-waqi' ba'd ahad adil al-faz, fa yakoun mafoulan bih. Là, c'est plus i'alab yani mansoub mustathna. Là, c'est mansoub mafoulan bih. Lakin dans le sens, ça c'est mustathna. Fi le ma'na ou mustathna. Lakin fi l'i'rab wa mawful bih. Khala c'est le même sens que illa. Non. C'est un sens d'istithna qui sort la chose du jugement. Et ada wa hasha kadhalik. ثم قال الثاني deuxième وجه بالإعراب الجر إلى كل مومو أنه اسم مجرور وذلك لتقديرها حروف جر deuxième وجه c'est qu'on en fait des حروف جر sont plus d'afal donc c'est أرفاض عدا وخالة وحاشة peuvent être soit des afal أو حروف جر. إذا كانت أفعالا فالاسم واقع بعدها سيكون مفعولا به وفي المعنى ومستثنى وإذا كانت حروف جر فالاسم الواقع بعدها سيكون اسما مجرورا لكن في المعنى ومستثنى كذلك. L'exemple قام القوم خلا زيد وعدا عمر وحاشا بكر. Dans l'arabe on dit quoi? قام القوم فعل وفاعل خلا حرف جر وزيد تمام اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة لآخره si jamais il vient majrour après un de ces termes là c'est que c'est un حرف جر. لكن هناك فائدة كي يذكر تحت si jamais tu vois ما عدا وَمَا خَلَا. S'il y a un ma qui vient devant, c'est même Asdariya Zarfiya. À ce moment-là, tu ne dois faire que des af'al. C'est plus des huruf. Moustahil, tu dis مثلاً كَمَلْكُمْ مَا خَلَا زَيْدِينَ. Tu n'as pas le droit là. Car s'il y a même Asdariya Zarfiya qui rentre, c'est forcément af'al. وَهَذَا مَا وُجِدَ إِلَّا لِعَدَى وَخَلَى. Il n'y a pas pour Hacha. Hacha, on n'a pas de shahid de la langue des Arabes où il y a même Asdaliya qui serait rentré devant. On n'a trouvé que pour Ada wa Khala. Donc si jamais tu vois Ma Ada wa Ma Khala, huna, l'ism ba'da ahuma, c'est yakun mansouban, wujuban. Forcément, il va être mansoub à Fulbihi. Il n'y aura pas de wajj, il n'y aura qu'un seul wajj. Maintenant, s'il n'y a pas Ma devant, ça pourra être ou mansoub ma Fulbihi ou majur bihafaja. طيب داي كنت لسه pour les tamarin donne des exemples. يقول يختار كلمات مضبوطه ضبطا صحيحا من بين الاقواس فيما ياتي. Là tu vas maintenant choisir le bon mustathna dans les phrases qu'on va suivre, qui vont suivre là. يقول الا كل شيء مخال باطل مخال الله مخال الله مخال الله أيها أصح ألا كل شيء ما خلا الله أو الله أو الله باطل لا سي خلا فتحة نعم فتحة منصوب لتعظيم لا سي خلا سنعبير كم on le sait. Ah, le ma, la badah fujar, ahsant. L'intafiu bil ilmi siwa al alimun ou al alimin bihi. Al alimin. Al alimin. Ala innahu. Pourquoi? C'est ça. Donc c'est un. C'est un jar. Non, ça tu l'as dit. C'est un quoi? C'est un. Hein? Tu l'as dit, il est majour. Mais pourquoi il est majour? C'est un quoi? Parce que c'est un harf. Là, c'est pas un harf jar. C'est quoi? C'est un ism. Moudafilei. Moudafilei. C'est quoi là? C'est un ism. Ou c'est quoi l'arabe de siwa? Ici. L'intafiu bil ilmi. Siwa al-alimina bihi. Regarde la phrase qu'il y a devant. C'est quoi comme phrase là? Ça c'est la fille. Mais une fille est un ou pas? C'est naqis ou tam? Naqis. Donc c'est quoi l'arabe de siwa là? On a besoin de quoi là? L'intafiu bil ilm siwa al-alimina bihi. Donc c'est quoi l'arabe de siwa? Ça c'est dans l'arabe de siwa là? Là c'est aujourd'hui, on l'a pris aujourd'hui. Et c'est lui aussi au daf d'avant. Naam. C'est le kalam il est naqis manfi. Ok, il suffit l'arabe de ce qu'il a. Donc on a besoin de quoi là dans la phrase? Hada wa suwal. Nartaj il est maza fil jumla ouna. فاعل نعم فاعل ثالثا يقول لا تعتمد على غير الله الله الله على الله نعم يمل الجلساء ما عدا الكاتب او الكتاب الكتابة والكتابي الكتابة الكتابة مفعول به راسي ما عدا يا ما devant راسي forcément un fiel تزدأ المعادن حشى الذهب الذهبي والذهب. En fait, c'est rouille. Et alors, les aciers, les métaux, les rouillent, sauf l'or. Hacha el zahabi ou el zahabu. On a tout pris ça aujourd'hui. Allez, hein. Ah, ouais. Hacha, viens le prendre là. حاشا خلا و عدا درس اليوم حاشا الذهبي او الذهب الذهب الذهب تو بوكو بعد كو زيبا فدي الله اعلم لا سي با ذهب سي ذهبي. On a dit quoi de Ada ou Khala ou Hasha? Deux Irab. Soit Mansoub, Mafoulbi, soit Majour, Harfoujar. À l'instant, on le prend. Donc là, Hasha. Zahabi ou Zahabu? Il n'y a pas de raf dedans. Soit Zahabi, soit Zahaba. Zahabu, Mayoujen. Il n'y a pas Zahabu. Donc là, sur le Zahabi. Majrour, en disant que Hacha c'est Hafoujar. Akhir, ma sahibtu ghayra abuka, abika wa abaka. Ça c'est facile ça. Ala sahib jiddan ala. La yahdassal taraddud, t'as pas d'hésiter là. Ma sahibtu ghayra abuka, abika wa abaka. غير ابيك ايوه مضاف مضاف اليه اي فاسيل ça même en dehors du dars istisna غير c'est que derrière c'est quoi qui vient derrière c'est un مضاف اليه نعم طيب وفي الاعراب ce qui en khutut في كلام الشاعر تحت قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلى الحديث وعلم الفقه بالدين. Toute science en dehors du Coran, toute distraction en dehors du hadith et de la science du fiqh en religion. كل العلوم سوى القرآن مشغلة. ما يعلم القرآن هنا؟ أحسن مضاف إليه إلا الحديث وعلم الفقه بالدين. ما يعلم الحديث مستثنى. نعم مستثنى وجوب. أحسن وجوبا. طيب question. Voilà, c'était ما يعلم سوى كل العلوم سوى القرآن مشغلة. سوى هو مسي كوا سني يعلم حتى انا اش بغيت ندير ما شغلتو زي خبر كل شيء مبتدا العلوم سي مضاف اليه شي با سوا با ايتي مستثنى مقدم جامونتو المقدم دونك سويتي لا سو مولا منصوب مستثنى. يعني التقدير كل علوم مشغلة سواء القرآن. Mais je ne sais pas sur le code d'homme, je n'ai pas pris cette règle-là. Mais le zahir, ça aurait été un mustathna. Donc il aurait été mansoub. Là, le jumla, le tam, muzbata. Et rien n'empêche d'avoir plusieurs istithna dans la phrase, comme tu vois là. طيب مفهوم هذا؟ دونك الخلاصة سيكون نبقي منه غير وسوى وخواتها سيكون الحكم اسم الواقع بعدها يدفين مضاف إليه اي سي اسماء لا برين إعراب دو اسم كي بني أبقى إلا اي سوى وسوى الإعراب بيت مقدرة car c'est Asma Maksoura. Et avec Ada, Wahasha, Wahala, Kunafi, Wajhan, Imman Nazb al-Anna Mafulbihi, ça c'est dans le cas où ce serait des Af'al, ou alors Majurur, dans le cas où ce serait des Hurouf, Hurouf Jar. Tamam, Hala? Tayyib. Alors, il y a tâche de classer les dossiers bien dans le bureau pour les sortir lorsqu'on le demandera, Inch'Allah. Surtout pour le sortir lorsque tu verras, quand tu parleras, lorsque tu liras, lorsque tu... C'est dur, j'ai dit, c'est pas dur, ce bab-là, c'est juste qu'il y a beaucoup de temps facile. Tu vas parler, pour réfléchir à ce que tu as fait une phrase. Tu m'as appris ça, oui. Tu dois faire des fautes, dans ce bab-là, de diviser, de pas faire des fautes. Non, mais le lahn, fi hadha zaman, surtout pour nous, la ajim, c'est quasi impossible. Les Arabes eux-mêmes font du lahn aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas beaucoup qui parlent l'arabe, yani, sans faire de faute abadan. On est des êtres humains, tu vois. Alors que dire de quelqu'un qui est né sans cette langue-là, qui l'a appris grand, il a chèque, ça y est, lahn. Mais tu verras beaucoup d'arabes qui ont pris soin du nahou, faire beaucoup moins de lahn que beaucoup d'arabes. On va dire même que la plupart des Arabes. La plupart des Arabes aujourd'hui ne parlent pas leur langue, comme il se doit. Il y a que les toulab, ceux qui ont étudié à l'école, comme il se doit, qui ont aimé la langue arabe, toulab el-ilm, le ulama. Sinon, en dehors de ça, les gens, langue arabe, ils ne la maîtrisent pas du tout. Ils vont dire Darabtu Abuka, Salim ala Abuka. L'Irlab, c'est une chose qui est totalement dérespectée. Aujourd'hui, l'Irlab fait penser à la Sunna. L'Irlab, Sahiha, fait penser à la Sunna. Très peu, il faut attention à la suivre. Très peu, il faut attention à la suivre. Mais t'as des gens. Comme dans les écoles, مثلاً, même Madaris, Hukumiya. Les gens, ils aiment la langue arabe. Ils font attention, mais ils sont rares. Non. Fa'ilahuna, wa alhamdulillah bil alamin.